إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أنه سيحل بالمسلمين في هذه الأيام القادمة، إما يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، سيحل بالمسلمين موسم عظيم مخصوص بالتشريف والتكريم، أنزل الله عز وجل فيه كتابه وفرض صيامه، شهر القيام وتلاوة القرآن، زمن العتق والغفران، موسم الصدقات والإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام سر بين الخالق والمخلوق، هذا الصوم يفعل خالصا ويتلذذ العبد جائعا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يحقق العبد في هذا الصوم درس الإخلاص لينطلق به إلى سائر العبادات بعيدا عن الرياء والسمعة. والصيام يصلح النفوس ويدفع إلى اكتساب المحامد ويبعد عن المفاسد. بالصوم تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. شهر رمضان هو الشهر، هو شهر الطاعة والقربى والبر والإحسان والمغفرة والرحمة والرضوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. Chers musulmans et musulmanes, sachez que dans quelques jours, un mois béni va entrer, qui est le mois du Ramadan. Il entrera par la volonté d'Allah Azza wa Jal, soit le lundi, soit le mardi. Soit le lundi 6 juin, soit le mardi 7 juin. Et ce mois qui entre est un mois immense, un mois béni, un mois dans lequel Allah Azza wa Jal a fait descendre son livre, un mois qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de jeûner. C'est le mois de la prière nocturne et de la lecture du Coran. C'est un mois dans lequel Allah Azza wa Jal sauve et épargne des gens de l'enfer. C'est un mois dans lequel énormément de musulmans verront leurs péchés pardonnés. C'est un mois également de bienfaisance et d'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par An-Nasa'i, dans ses sunan: est venu à vous le mois du Ramadan, un mois béni. Allah a ordonné son jeûne. Dans ce mois, les portes des cieux s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et les mauvais parmi les djinns, à savoir les diables, sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est alors privé de tout bien. Ce jeune, cher musulman et musulmane, qui est ce secret entre le Créateur et sa créature, lorsque nous jeûnons, nous le faisons avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur d'Allah prend du plaisir à adorer son Seigneur tout en éprouvant de la faim. Il dit alayhi salatu wassalam dans le hadith Qudusi, Allah azza wa jalla dit, tous les actes des fils d'Adam leur appartiennent, hormis le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Le musulman, durant ce jeûne du mois du Ramadan, s'exerce plus que les autres mois à adorer Allah Azza wa Jal de façon sincère. Car nul ne sait s'il jeûne véritablement qu'Allah Azza wa Jal. Le jeûne n'est pas une adoration qui est apparente, à part entière. Ainsi, celui qui jeûne le fait véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala, loin du regard des gens et loin de toute forme d'ostentation. Le jeûne permet à la personne de réformer son âme et de la propulser vers les comportements les plus louables. Le jeûne permet aux musulmans de voir ses péchés pardonnés et de voir ses bonnes actions décuplées. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et conviction et en espérant la récompense d'Allah, alors ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le mois du Ramadan est un mois d'obéissance. C'est un mois de bonté et de bienfaisance. C'est un mois dans lequel le musulman se rapproche de son Seigneur. C'est le mois du pardon, le mois de la miséricorde et le mois de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'entre le mois du Ramadan, les portes du ciel s'ouvrent alors et les portes de l'enfer se ferment et l'ensemble des diables sont enchaînés. Layaliyahu mubarakah. فيه ليلة مضاعفة وهي أم الليالي ليلة القدر والشرف خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا الشهر صبر على حمأة الظما ومرارة الجوع ومجاهدة النفس في زجر الهوى وجزاء الصائمين باب من أبواب الجنة لا يدخلهم غيرهم. في هذا الصوم تذكير بحال الأكباد الجائعة من المساكين والمقترين يستوي فيه المعدم والموسر كلهم صائم لربه مستغفر لذنبه يمسكون عن الطعام في زمن واحد ويفطرون في آن واحد يتساوون طيلة نهارهم بالجوع والظمأ ليتحقق قوله تعالى في الجميع إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والقرآن العظيم أساس الدين وآية الرسالة نزل في سيد الشهور إنا أنزلناه في ليلة القدر ونزول القرآن في هذا الشهر المبارك إماء لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته وتدبره. وكان جبريل عليه السلام ينزل من السماء ويدارسه فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كامل القرآن. وفي العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين. وكان سلفنا الصالح وكان بعض سلفنا الصالح يختم في رمضان يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال وبعضهم في 7 وبعضهم في 10 وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن وترك الحديث وأهله. واعلموا أيها المسلمون أن ليالي رمضان تاج الليالي العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإن استطعت أيها المسلم أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وفي كل ليلة يفتح باب الإجابة من السماء فاطلب رحمة الرحيم. فهذا شهر العطايا وشهر المنن والهبات، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il y a dans ce mois une nuit bénie, une nuit qui est la mère des nuits, une nuit qui a une immense valeur et un immense mérite, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui prie Allah Azza wa Jal, celui qui prie Allah Azza wa Jal durant cette nuit, avec foi et conviction, et en espérant la récompense de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il se verra alors pardonner ses péchés antérieurs. Dans ce mois du Ramadan, les musulmans patientent dans la faim et dans la soif, et ils font des efforts sur leur propre personne pour s'éloigner de toute forme de passion. Et ces efforts, ils se verront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils rentreront dans cette porte parmi les 8 portes du paradis, que nul autre ne traversera que les jeûneurs, la porte appelée Ar-Rayyan. Le fait d'endurer la soif et la faim durant ce mois nous rappelle ces ventres qui vivent la plupart du temps vides. Les ventres des nécessiteux et des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin et qui souvent ressentent la faim et la soif malgré eux. Ainsi, lorsque tout le monde jeûne, tout le monde ressent la faim et tout le monde ressent la soif, que tu sois une personne richissime et aisée ou que tu sois une personne pauvres et démunis, tous jeûnent pour leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, tous demandent à Allah azza wa jalla de leur pardonner leurs péchés, ils s'abstiennent tous en même temps de manger et de boire, et ils mangent tous en même temps. Ceci afin qu'apparaisse au grand jour l'unité des musulmans, et que se concrétise la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Anbiya: votre communauté est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Le Coran immense est la base de la religion et c'est le miracle de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran, sa descente et sa révélation a commencé pendant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal dit: nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Et le fait que le Coran ait été descendu pendant le mois du Ramadan, cela amène les musulmans à donner une importance particulière à la lecture du Coran, à la méditation des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à redoubler d'efforts vis-à-vis de leur lecture et de leur méditation du Coran. Jibril alayhi salam descendait des cieux pendant le mois du Ramadan afin d'enseigner le Coran à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récitait l'ensemble du Coran. Et l'année dans laquelle est décédé le prophète alayhi salatu wa sallam, il a récité à deux reprises le Coran sur Jibril. Et ainsi étaient nos salafs. Ils se consacraient entièrement à la lecture du Coran pendant ce mois du Ramadan. Certains le terminaient la lecture du Coran en 3 jours, d'autres en 7, d'autres en 10. Et l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'entrait le mois du Ramadan, il se consacrait entièrement à la lecture du Coran et délaissait l'enseignement du Hadith. Les nuits du Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Il dit, alayhi salatu wassalam, la meilleure des prières après la prière obligatoire et la prière de nuit. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, celui qui prie, c'est-à-dire la prière nocturne, avec l'imam, jusqu'à ce que l'imam s'en aille, alors il lui sera inscrit la prière nocturne d'une nuit entière. Ainsi, concurrencez-vous, chers musulmans et musulmanes, dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Et si tu as la possibilité de ne laisser personne adorer plus Allah Azzawajal que toi, alors n'hésite pas à le faire. Car dans les nuits du Ramadan, les portes des cieux s'ouvrent. Ainsi, invoque ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, car c'est dans ce mois qu'Allah Azzawajal fait le plus miséricorde à ses serviteurs. C'est le mois du pardon. Et celui donc qui est incapable d'invoquer Allah Azzawajal et de bénéficier de son pardon et de sa miséricorde durant ce mois, c'est véritablement une personne qui est incapable. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واغتنم أيها المسلم اغتنم عمرة في رمضان فإنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في رمضان والاعتكاف هو لزوم مسجد طاعة لله عز وجل وابتعد عن خوارق الصوم ومفسداته وإياك أن تقع في أعراض المسلمين واحفظ لسانك وسمعك وبصرك واحفظ لسانك وسمعك وبصرك عما حرم الله ومن بلي بجاهل فلا يقابله بمثل سوءته يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم واجعل أيها المسلم اجعل شهرك جهادا متواصلا ضد شهوات النفس وانقطاعا إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة ومدارسة الآيات وقياما مخلصا بالليل فهو موسم التوبة والإنابة فباب التوبة مفتوح فمتى يتوب من أسرف في الخطايا وأكثر من المعاصي إن لم يتوب في شهر رمضان ومتى يعود إن لم يعد في شهر الرحمة والغفران فبادر أيها المسلم وأيتها المسلمة بالعودة إلى الله واترك بابه وأكثر من استغفاره واغتنموا زمن الأرباح فأيام المواسم معدودة وأوقات الفضائل مشهودة وفي رمضان كنوز غالية فلا تضيعوها لا باللهو ولا باللعب ولا بما لا فائدة فيه فإنكم أيها المسلمون لا تدرون متى ترجعون إلى الله وهل تدركون رمضان الآخر أو لا تدركونه وإن اللبيب العاقل من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح نفسه قبل أن يفاجئه الموت فينقطع عمله وينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحساب. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que durant ce mois du Ramadan, nous devons redoubler d'efforts dans nos adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos prières de nuit, dans notre lecture du Coran. Et celui qui a la possibilité d'accomplir une umrah pendant le mois du Ramadan, il aura alors la récompense d'avoir accompli le pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam accomplissait al-i'tikaf, la retraite spirituelle pendant le mois du Ramadan, et notamment durant les 10 derniers jours. Et la retraite spirituelle, c'est-à-dire de rester à la mosquée en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et en consacrant la totalité de son temps à l'adoration de son Seigneur. Tu te dois également, chers musulmans et musulmanes, de t'éloigner de tout ce qui pourrait remettre en cause la validité de ton jeûne. Et prends garde à t'en prendre, à l'honneur des musulmans. Préserve ta langue, préserve ton ouïe, préserve ta vue de tout ce qu'Allah Azzawajal t'a interdit. Et celui qui est éprouvé par un ignorant qui vient le provoquer, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne est une protection et que celui qui jeûne, qu'il ne prononce pas de paroles obscènes et qu'il ne crie pas et ne se dispute pas. Et si une personne l'insulte ou le cherche, alors qu'ils disent « Je suis jeûneur ». Tu te dois, chers musulmans et musulmanes, de faire de ce mois du Ramadan le mois du grand effort, le mois dans lequel tu obéis à ton Seigneur, le mois dans lequel tu apprends et tu comprends les versets du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois dans lequel tu adores Allah azawajal en toute sincérité, tu le pries en toute sincérité. Profite de cet événement dans lequel la porte du repentir est ouverte pour revenir vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et quand est-ce que se repentra celui qui désobéit à son Seigneur et celui qui est plongé dans la désobéissance et dans les péchés? Quand est-ce qu'il se repentra s'il ne se repent pas pendant le mois du Ramadan? Et quand est-ce qu'il reviendra vers son Seigneur s'il ne revient pas vers lui, subhanahu wa ta'ala, durant ce mois de la miséricorde et du pardon? Nous devons donc retourner vers notre Seigneur et lui demander le pardon et de profiter de ces jours extrêmement importants, car ce sont des jours comptés et le Ramadan est un trésor inestimable. Ne le gâchez pas. Ne le gâchez pas à travers des divertissements interdits, à travers des amusements et à travers une perte de temps. Car vous ne savez pas et personne ne sait quand il retournera vers son Seigneur. Et personne ne sait s'il pourra l'année prochaine jeûner ce mois du Ramadan et profiter de ses bienfaits. Ainsi le doué d'intelligence est celui qui regarde sa situation. Le doué d'intelligence et celui qui médite sur ses propres défauts, le doué d'intelligence, et celui qui se réforme avant que ne vienne le coup final qui est cette mort, et que ses actions se soient suspendues, et qu'il soit ainsi amené dans la vie al-barzakh, dans la vie de la tombe, puis plus tard dans le jour du jugement, dans lequel il devra rendre compte de tout ce qu'il a accompli durant cette vie d'ici-bas. Nasallallahu azza wa jal an yudrikana ramadan. Allahumma ij'alna mimman yudrikuna ramadan. Allahumma ij'alna mimman yasumuna wa yaqumuna ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.